Le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. 15e et dernière émission. 14 août 1945. 20e audience. La tension est montée d'un cran dans la salle comble. On sait que cette audience est la dernière. Personne ne sortira de la salle ce soir, cette nuit, demain matin, sans que la cour ait rendu son arrêt. Le bâtonnier païen remonte à l'assaut. Il est question du double jeu. Le double jeu, c'eût été jouer les Allemands quand il semblait qu'ils allaient vaincre, et jouer les Alliés quand ceux-ci paraissaient les plus forts. Le maréchal, lui, n'a joué qu'un seul jeu, le jeu français. Il a essayé d'abuser l'adversaire, c'est-à-dire l'Allemand. Ce que l'on prend chez lui pour le double jeu, ce sont des feintes et des manœuvres. Ce sont les Allemands qu'il a constamment trompés. C'est l'inévitable tactique du faible en face du fort, du vaincu qui ne se résigne pas et qui use de diplomatie. Et des manœuvres et des feintes, l'histoire en est pleine. C'est ainsi que Metternich flattera Napoléon et que Thiers se roulera aux pieds du maréchal de Manteuffel, allant jusqu'à lui offrir l'hospitalité. Le maréchal n'a jamais offert l'hospitalité à Göring, n'est-ce pas ? Dire du maréchal Pétain qu'il a constamment plié aux exigences des Allemands est faux, d'après le bâtonnier païen. Refus d'aller à Berlin, refus du protocole d'Arlan, refus de céder des bases à Dakar, refus d'entrer en guerre contre l'Angleterre. Tous les témoins l'ont reconnu. Des gages peut-être, mais rien, jamais d'essentiel n'a été cédé. Que devait faire le maréchal ? Reprendre Laval ? Ou maintenir son refus et subir les représailles ? Il a cherché un moyen terme. Et comme il avait tout de même auprès d'Hitler un certain prestige et une certaine influence, il lui a écrit une lettre qui, il espérait, serait bien accueillie. Je cite « Je ne reprends pas Laval, mais ce n'est pas du tout, monsieur le chancelier, parce qu'il est de vos amis. Ma politique sera la même et mon désir de bonne entente avec l'Allemagne ne changera pas. » Hitler, par chance, s'est contenté de cela. Et alors, je vous demande, comment peut-on à ce propos formuler un reproche ? Comment peut-on dire « il pouvait se taire » ? Encore une fois, oui, il pouvait se taire. Mais ce n'est pas lui qui aurait subi les conséquences de son silence. Ce sont les Français qui auraient été les victimes des représailles allemandes. Cela dit, le bâtonnier s'étend sur la préparation de la reprise de la guerre aux côtés des Alliés. Le maréchal est tout à fait au courant de tout ce qui se prépare dans l'ombre. C'est lui qui a inspiré et dirigé tout cela. Ce n'est pas un traître. Il n'a pas travaillé pour l'Allemagne contre les Alliés. Le maréchal, ajoute le bâtonnier, a toujours beaucoup pensé aux prisonniers. Puis l'avocat en arrive à Montoire. Vous savez, parce que la preuve en a été faite surabondamment, que ce voyage, cette rencontre à Montoire, n'a pas du tout été provoquée par le maréchal ou son entourage, mais par Laval. Il a rencontré Hitler et de retour a dit au maréchal « Hitler vous attend ». Refuser, alors que c'était en territoire français, aurait été injurieux. Il se décide à y aller, avec cette arrière-pensée qu'il pourra faire quelque chose pour les prisonniers. Je dois dire qu'il est revenu pas mécontent, pauvre maréchal, parce qu'il avait obtenu, croyait-il, des avantages immédiats, en échange desquels il avait accepté le principe d'une collaboration dont les modalités restaient à prévoir, à définir. Pauvre maréchal, il a bien vite dû déchanter. Il a déchanté après avoir, si je me rappelle bien, dit à la radio qu'il avait rencontré Hitler et que, ma foi, il entrait dans la voie de la collaboration. dirais-je que c'était un mensonge. Je dirais que c'est une feinte. Le mot est moins désobligeant. C'était certainement un mensonge ou une feinte, puisqu'au même moment, il envoyait un nouveau messager à Churchill. Il a eu tort d'être satisfait de mon devoir, parce que les prisonniers n'ont été libérés qu'au compte-gouttes, contrairement à ce qui lui avait été promis, et la ligne de démarcation, toujours aussi difficile à franchir. Puis le bâtonnier révèle que si le maréchal a renvoyé Laval, c'est parce que ce dernier voulait l'entraîner dans un conflit avec l'Angleterre à propos du Tchad. Il ajoute que Pétain n'était pas au courant du protocole de Paris, signé par Darlan en mai 1941, et qui cédait aux Allemands des bases en Syrie et en Tunisie. Voilà 3 heures que le bâtonnier plaide. Il est 15h30. Voilà, messieurs, ce que je voulais vous dire. Et je pense que vous avez le souhait de suspendre l'audience maintenant. Mon ami Izorni vous parlera à la reprise de la politique intérieure, maréchal. L'audience est suspendue. Elle reprendra à 16h15. À la reprise de l'audience, le président Mongibaud donne la parole à maître Jacques Izorni. Il n'y a jamais eu autant de monde dans le prétoire. La plaidoirie du jeune avocat défendant le vieil homme est très attendue. Magistrat de la haute cour, depuis de longues journées, j'entends les mots armistice, montoir, Syrie, Assemblée nationale. Et j'ai quelquefois le sentiment que me reviennent comme un écho d'autres mots. Légion des volontaires français, loi raciale, lutte contre la résistance. C'est de tout cela qu'il m'appartient de vous entretenir. Je parlerai avec sérénité et sans esprit de polémique de ces problèmes qui sont les plus graves. La politique du maréchal fut la suivante. Sauvegarder, obtenir des avantages matériels, en accordant des concessions morales. Les avantages furent pour le peuple français, les concessions morales ont été supportées par le maréchal de France. Que serait-il arrivé si la magistrature française avait refusé de prêter serment ? Monsieur le procureur général a dit qu'ainsi la magistrature a sauvé des vies humaines. Il en est de même pour toutes les administrations qui ont sauvé quantité de vies humaines chaque fois qu'elles le pouvaient. C'est le maréchal qui était à la tête de toutes les institutions. C'est son régime qui a permis, dans le cadre de la loi, de sauver des vies humaines. Monsieur le procureur général a parlé des humiliations qu'avait valu à la France le régime du maréchal Pétain. La première, dans l'ordre chronologique, c'est le procès de Rion, né de cette immense stupeur qui a frappé la France devant la rapidité et la totalité de la défaite. On sait que le procès a été suspendu à la suite d'un violent discours d'Hitler. Parce qu'on ne voulait pas lui donner satisfaction. Hitler voulait sans doute un débat humiliant pour la France. Le maréchal ne l'a pas voulu. Autre humiliation, celle qui fut imposée par les sections spéciales. L'avocat rend d'abord hommage aux militants communistes, si calmes et si tranquilles devant les pires destins. Il explique que l'origine des sections spéciales réside dans l'idée de substituer à des otages innocents, non pas des coupables, mais des responsables, avec l'espoir que la justice française modérée éviterait le pire. Il n'y a pas eu de crime. Il y a le cas le plus tragique qui se soit jamais posé à la conscience d'un gouvernement pris entre deux horreurs. Il a cru choisir la moindre. Je me refuse, pour ma part, à y voir un crime. Sans doute, il y avait le droit de grâce. Les recours ont été rarement transmis. Les hommes condamnés ne voulaient pas adresser un recours en grâce, alors que leur famille les suppliait. Chaque fois qu'il a pu le faire, le maréchal a gracié des condamnés. Il n'y a là rien d'humiliant. Venons-en à la LVF, imposée au gouvernement, et qui, grâce au gouvernement, n'a pas eu sur la France le rayonnement insidieux que les légions wallonnes et hollandaises ont eu sur la Belgique et sur la Hollande. Pour ce qui concerne le STO, là encore, le gouvernement du maréchal a réussi à freiner les exigences des nazis. Entre le 5 juin 1942 et le 1er août 1944, il est parti 641 000 hommes pour l'Allemagne, c'est-à-dire un peu plus du quart des demandes allemandes. Et en contrepartie, le gouvernement a obtenu par la relève le retour de 110 000 prisonniers et la transformation en travailleurs libres de 250 000 autres prisonniers de guerre. Pas une femme n'est partie. Après les humiliations, voulez-vous que nous parlions des persécutions? Je parlerai d'abord des lois raciales. Messieurs les jurés, je m'adresse au-dessus de vous à tous les juifs qui ont souffert et accablent aujourd'hui le maréchal. Je leur demande, ce serait à refaire. Voudriez-vous qu'il n'y ait pas une zone libre où vous aviez trouvé un abri provisoire, alors pourtant que le statut du maréchal y était appliqué? Renonceriez-vous à cette zone libre où presque tous ceux qui se sont réfugiés ont connu un abri, où on ne venait point les chercher? Voudriez-vous que dans cette autre partie de France, vous eussiez été obligés également de porter l'étoile jaune? Je ne le crois pas. On m'objecte. Par la politique du maréchal, on a livré indirectement les Juifs aux Allemands en donnant leurs noms, leurs identités, leurs adresses. Non, non, ce n'est pas vrai! Dans tous les pays occupés, c'est la même loi internationale de l'occupation, il continue d'exister une police chargée de l'ordre de la nation. Le maréchal n'a livré personne. Devant la dure loi de l'ennemi, il n'a cherché qu'un palliatif. Quelles que soient les souffrances des Juifs français, je ne parle pas des souffrances individuelles, mais collectives. Est-ce que la proportion de leur malheur est aussi grande que pour les Juifs de Pologne? Je ne le pense pas. C'est seule l'action du gouvernement du maréchal qui les a, peut-être faiblement, mais protégés. Quand même. Messieurs de la Résistance, je me tourne plus particulièrement vers vous. N'attendez pas de moi, ce serait indigne de nous. N'attendez pas de moi que je fasse une distinction entre le bon et le mauvais maquis. Je laisse cela à d'autres. Pour l'avocat du maréchal, il n'y a qu'un seul maquis, signe de la vitalité du peuple français. Comment Pétain eût-il pu être contre cette résistance, lui qui fut à Verdun le symbole de la résistance? Le cœur du maréchal allait à l'armée d'Afrique, à l'armée secrète. Il lui était difficile de comprendre ce jaillissement populaire. Et quand la résistance est devenue active, le maréchal, entouré d'une zone de silence, ne gouvernait plus. Et la milice? Ce fut un moyen employé par le chef du gouvernement pour dissocier, diminuer, détruire la légion des combattants qui relevait directement du maréchal. Un témoin a parlé ici du traitement du maréchal figurant dans le budget avec les subventions accordées à la milice, et ce, dans le journal officiel. Montons ! L'avocat dédaigne l'interruption et rend responsable le metteur en page du journal officiel. L'avocat arrive à la fin de sa plaidoirie. Il cite les lettres d'adieu de jeunes gens qui, au moment de mourir, ont crié sous les balles allemandes « Vive le maréchal !» Vous appelez à la barre le témoignage des morts. de ceux qui ont été persécutés. À mon tour, j'appelle à votre barre les vivants, ceux qui ont été libérés, ceux qui ont été protégés. Qu'ils viennent tous, aujourd'hui, qu'ils forment cortège au maréchal et qu'à leur tour, ils protègent celui qui les a protégés. Si c'est la mort que vous prononcez contre le maréchal Pétain, eh bien, messieurs, nous l'y conduirons. Mais je vous le dis, où que vous vous trouviez en cet instant, vous serez tous présents. Vous serez présents, messieurs les magistrats, vêtus de robes rouges, de vos hermines et de vos serments. Vous serez présents, messieurs les parlementaires, au moment où la délégation que le peuple vous a donnée de sa souveraineté s'achèvera. Vous serez présents, messieurs les délégués de la résistance, au moment où ce peuple n'aura pas encore consacré vos titres à être des juges, vous serez tous présents. Vous verrez, au fond de vos âmes bouleversées, comment c'est mourir ce maréchal de France que vous aurez condamné. Et le grand visage blême ne vous quittera pas. Magistrat de la haute cour, écoutez-moi. Entendez mon appel. Vous n'êtes que des juges. Vous ne jugez qu'un homme. Mais vous portez dans vos mains le destin de la France. L'effet produit par la plaidoirie est considérable. Deux jurés pleurent. 18h15. Après une demi-heure de suspension, le bâtonnier païen reprend le cours de sa plaidoirie au point où il l'avait laissée avant de céder la parole à Isorni. Après l'envolée du jeune avocat, la longue plaidoirie du bâtonnier, qui reprend les faits un à un, déroute un peu. Puis l'émotion revient quand, à la fin de sa plaidoirie, il se tourne vers les jurés. Messieurs, rendez un verdict de justice qui sera un verdict d'apaisement et que le monde entier accueillera avec soulagement. Oui, j'ai confiance, parce que la vérité jaillit éclatante de tous les documents. Et j'ai confiance, parce que c'est vous qui allez juger. Je sais que vous avez été désigné par le sort sur une liste d'hommes dont l'esprit de résistance ne peut être mis en doute. Mais je ne m'effraie pas. Vous serez impartiaux parce que vous êtes insoupçonnables. Vous aurez le courage de dire, car aujourd'hui, il vous faut du courage. Vous aurez le courage de dire, les intentions du maréchal, sa bonne foi, la conviction qu'il a eue de travailler pour le bien du pays ne sont pas douteuses. Oui, j'ai confiance. Et j'allais dire, quelle que soit votre décision, il y a un mot qui doit rester le dernier qui retentira ici. Je le prononce. Je le crie de tout mon cœur, en mon nom, en son nom, et d'accord, n'est-ce pas, avec vous aussi? Vive la France! Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Oui, je veux bien prendre la parole. Au cours de ce procès, j'ai gardé volontairement le silence après avoir expliqué au peuple français les raisons de mon attitude. ma pensée, ma seule pensée, a été de rester avec lui sur le sol de France, selon ma promesse, pour tenter de le protéger et d'atténuer ses souffrances. Quoi qu'il arrive, il ne l'oubliera pas. Il sait que je l'ai défendu comme j'ai défendu Verdun. Messieurs les juges, ma vie et ma liberté sont entre vos mains, mais mon honneur, c'est à la patrie que je le confie. Disposez de moi selon vos consciences. La mienne ne me reproche rien, car pendant une vie déjà longue et parvenue par mon âge au seuil de la mort, j'affirme que je n'ai eu d'autre ambition que de servir la France. Vive la France ! Vive ! Silence dans la salle. Garde, emmenez l'accusé. Les débats sont clos, la cour se retire pour en délibérer. Il est 21h10, commence l'attente. Il faut attendre 4h du matin pour entendre la sonnerie résonner. Les juges entrent, la mine grave. Les avocats sont debout. Le maréchal, toujours assez pâle mais impassible, est introduit. Le président Mongibaud entreprend la lecture de l'arrêt. Par ces motifs, condamne Pétain à la peine de mort, à l'indignité nationale, à la confiscation de ses biens. Tenant compte du grand âge de l'accusé, la haute cour de justice émet le vœu que la condamnation à mort ne soit pas exécutée. Aussitôt après la sentence, il était 4h40, le condamné quitte le palais de justice en automobile au milieu d'un grand déploiement de police. Il est conduit à l'aérodrome de Villacoublay où l'attend un avion. Ayant atterri à Pau, le condamné fut conduit sous bonne escorte au fort du Portalet où il avait fait enfermer Mandel, Blum, Daladier et Reynaud. Le général de Gaulle commut sa peine en détention à perpétuité. Le 16 novembre 1945, il est transféré à l'Île-Dieu, où il meurt le 23 juillet 1951. C'était le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. 15e et dernière émission. Le président Mongibaud, Gabriel Ledoz. Pétain, Roger Dumas. Le bâtonnier païen, Philippe Leudenbach. Maître Isorni, Laurent Cléry. Narration, Hélène Le Sœur. Bruitage, Sophie Bissens. Assistance technique et montage, Clotilde Thomas. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Étienne Vallès.